LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. On se trouve sur une planète en orbite autour d'une étoile quelconque, sur une galaxie quelconque, dans un univers qui tourne autour de nous, parce qu'on a vraiment cette impression qu'il est autour de nous, cet univers. Les cosmographes, Céline Nozen, Marie Placet. En fait, on est dans une place quelconque, probablement dans l'univers, et c'est l'hypothèse de base de l'astrophysique. Où sommes-nous dans l'univers? Est-ce que notre place dans l'univers est une cause d'illusion? Est-ce que nous pouvons vraiment parler comme si nous étions dans un point de vue quelconque par rapport à l'univers et que tout autre point de vue se vaut, quelle hypothèse de base, astrophysique ou pas? C'est pas gagné. Quelle est notre place dans le cosmos? Question universelle qui attise notre curiosité depuis toujours. Une question qui pousse à arpenter encore plus loin le cosmos, si vaste et mystérieux. Nous voguons ainsi sur un océan sans rivage, sans boussole pour nous guider. Mais dans le sillage des astronomes du passé, les cosmographes d'aujourd'hui étendent la carte de l'univers au-delà de son horizon observable. Quatrième épisode, cap vers l'horizon cosmique. Alors, quand on regarde l'univers avec un regard scientifique, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de trouver par l'abstraction des lois universelles qui sont cachées dans la singularité de tout ce qu'on observe. David Elbaz, astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique de Saclay. De même qu'il n'y a pas deux êtres humains qui ont un visage identique, il n'y a pas deux galaxies qui se ressemblent. Malgré tout, on parle des galaxies comme les cellules de l'univers, on décrit des lois universelles de l'univers, et ce faisant, qu'est-ce qu'on fait? On projette notre désir de voir une harmonie dans l'univers et on le teste. On se demande, est-ce que l'univers est réductible à des lois universelles ou pas? C'est pas obligé. Il pourrait très bien être beaucoup plus complexe et totalement inaccessible à notre cerveau. Einstein lui-même disait qu'il était surpris par la capacité du cerveau humain de comprendre l'univers. La question qui se pose, c'est jusqu'où? Et donc, ce défi-là, qui est capable de voir au-delà de ce que l'on sait, cet obstacle épistémologique qu'on doit vaincre, comme le disait Gaston Bachelard, ça, c'est peut-être un défi encore plus grand que la capacité de fabriquer un instrument qui nous permettra de voir des faces cachées de l'univers. On dit que voir loin, c'est voir dans le passé. Que la lumière qui nous arrive de l'espace porte en elle la mémoire de l'univers. Comment ce messager cosmique, dans son voyage, nous raconte son histoire? Alors, le fait que la lumière voyage à une vitesse finie a des conséquences insoupçonnées sur notre compréhension du monde. La première chose, c'est que, comme il faut du temps à la lumière pour nous arriver, de même qu'une lettre va mettre du temps à nous arriver d'une contrée lointaine, on sait que lorsqu'on reçoit la lettre, il s'est écoulé du temps entre le moment où la personne l'a écrite et le moment où on la reçoit. Alors, en voyageant à 300 000 km par seconde, on pourrait se dire que c'est quasi instantané, mais les distances dans l'univers, une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres, et on voit à des milliards d'années-lumière. Donc, la lumière nous arrive avec un décalage dans le temps qui est une aubaine formidable, parce que grâce à ça, on peut voir des époques qui remontent à 200 000 ans, des millions d'années, etc. Lorsque Magellan a voulu se repérer dans l'hémisphère sud pour repérer la direction du sud, il n'y avait pas d'étoiles polaires. Il a vu deux nuées qui ne bougent pas, qu'on appelle maintenant les nuages de Magellan, qui sont à une distance de nous d'environ 200 000 ans. Un être qui vivrait sur une planète tournant autour d'une étoile dans le grand nuage de Magellan, qu'est-ce qu'il verrait s'il regardait notre planète, la Terre? Il verrait l'Homo sapiens au moment où il commence à s'habiller. On le sait parce qu'on a étudié la génétique des poux. Et les poux sur les poils et les poux sur les vêtements ne sont pas les mêmes. Et donc voilà ce qu'il verrait. Et il se dirait, ces gens-là sont même pas capables de fabriquer des objets pour se déplacer, etc. Il saurait pas qu'on est en train de cribler l'espace de satellites pour avoir la 5G. Lui, il verrait l'Homo sapiens à peine en train de s'habiller. Alors, la lumière, c'est quelque chose d'étrange parce que, d'abord, quand on regarde l'univers, on la voit avec nos yeux qui sont adaptés à la lumière du soleil dans le domaine du visible. Et parce que le soleil est une étoile qui rayonne principalement dans le domaine du visible. Si nous habitions une planète qui tourne autour d'une étoile de plus petite masse que le Soleil, probablement que nos yeux verraient dans l'infrarouge, parce que cette étoile rayonnerait principalement dans l'infrarouge. Et si on tournait autour d'une étoile beaucoup plus massive, peut-être qu'on verrait dans l'ultraviolet. Il s'est passé quelque chose le mardi 11 février 1800. William Herschel, se pose une question. Il se demande, est-ce que la lumière d'une couleur rouge ou bleue a une température plus froide ou plus chaude? Alors il utilise un prisme qui va décomposer la lumière dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il met des petits thermomètres et il se rend compte que le thermomètre qu'il avait mis pour mesurer la température ambiante de la pièce qui était à côté du rouge chauffe plus que les autres. Il découvre pour la première fois l'existence d'une lumière invisible qu'on appellera après l'infrarouge. 100 ans plus tard, Wilhelm Röntgen, en 1895, fait une autre découverte. Il découvre les rayons X. Probablement en partie parce qu'il était daltonien, il fait une expérience qui met en lumière un rayonnement invisible complètement sur le côté. Les daltoniens voient mieux sur le côté que nous et ils découvrent les rayons X. À partir de là, on s'est retrouvé doté d'une capacité d'explorer l'invisible dans l'univers. Avec l'infrarouge, on a vu naître des étoiles dans des cocons de poussière. Avec les X, on a vu des plasmas chauds à des millions de degrés, on a vu des trous noirs. Et donc, en regardant les couleurs du ciel, on est capable de mesurer l'âge des objets que l'on voit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec la couleur, on transforme les images en films. Ça veut dire que lorsqu'on voit du rouge dans une image de Hubble ou du James Webb, on sait qu'à cet endroit, des étoiles sont nées il y a quelques millions d'années parce que leur espérance de vie n'est que de quelques millions d'années. Quelqu'un qui sait lire les couleurs du ciel transforme une image en film. Et ce film nous raconte quoi? Il raconte l'histoire de nos origines. Parce que c'est ça qui est fondamental, c'est que l'hypothèse que nous n'occupons pas une place particulière géographique dans l'univers revient à dire que l'histoire que l'on voit dans l'univers en regardant de plus en plus loin dans l'espace et donc dans le temps, c'est notre histoire. Et que lorsqu'on voit naître une étoile, c'est comme la naissance du Soleil. Lorsqu'on voit naître une galaxie, c'est comme la naissance de la galaxie. Et donc, c'est un livre qui raconte notre histoire. Pour décoder ce livre, la théorie ne suffit pas. Il faut déployer dans l'espace des instruments pour capter la lumière très lointaine. C'est l'objectif porté par deux missions. Le télescope spatial Hubble, lancé en avril 1990, et le James Webb Space Telescope, ou JWST, lancé à Noël 2021. Au commissariat à l'énergie atomique de Saclay, on peut admirer la réplique de son miroir. Surtout, c'est ici qu'a été fabriqué l'œil du télescope. Bon, Pierre-Olivier Lagage, je suis astrophysicien au CEA et nous sommes ici dans le laboratoire où nous intégrons les instruments spatiaux et notamment la partie MIRIM d'un des instruments du JWST. Alors ce que vous pouvez voir ici, c'est une maquette à l'échelle 1 du miroir primaire du télescope Webb. Donc on voit les 18 hexagones. On voit aussi, donc ça c'est le miroir primaire, la lumière arrive sur ce miroir primaire et réfléchit de nouveau par ce qu'on appelle le miroir secondaire et rentre derrière le miroir primaire, là où il y a les instruments. La spécificité du Webb, c'est qu'il détecte la lumière infrarouge. Alors pourquoi regarder dans l'infrarouge? Alors il y a plusieurs raisons. Une première raison, c'est que le Webb va aller voir plus loin que le Hubble. Aller voir plus loin veut dire plus tôt, puisque la vitesse de la lumière est finie. Notre messager, c'est la lumière, et elle met un certain temps à nous arriver. Et il y a un phénomène physique, à cause de l'expansion de l'univers, la lumière émise dans le visible nous arrive dans l'infrarouge. Donc Hubble était bloqué. Hubble était dans le visible avec un petit peu d'infrarouge, mais était complètement bloqué, il ne pouvait pas aller voir plus loin. Et grâce à Webb et grâce au fait qu'il observe la lumière infrarouge, on va pouvoir aller voir plus loin que le Hubble, aller voir les naissances des premières galaxies, des premières étoiles. Alors, il va aller voir à peu près 200 millions d'années après le Big Bang. Alors que maintenant, c'est l'âge de l'univers, c'est 13,6, 13,7 milliards d'années. Donc il va vraiment remonter dans le temps pour aller voir vraiment ce qu'on appelle la sortie de l'âge sombre. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y avait plus de lumière, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de galaxies. Et à un moment, tout ça s'est allumé. Et seul le James Webb va avoir la capacité d'aller voir cette enfance de l'univers. Et ça, on sait tous que c'est très important de connaître l'enfance d'un individu, mais de l'univers aussi. La deuxième raison, c'est que la lumière infrarouge traverse les nuages de poussière. C'est-à-dire qu'on peut aller voir derrière des nuages de poussière. Si vous regardez notre galaxie, dans le ciel, vous voyez des zones noires. Eh bien, si vous regardez la même zone en infrarouge, vous voyez derrière et vous voyez des tas de formations d'étoiles, notamment. Donc, pour comprendre mieux les formations des étoiles et l'évolution du taux de formation d'étoiles, eh bien, là aussi, c'est l'infrarouge qui va le permettre. Et grâce à sa grande taille, ça va être un gain considérable par rapport au télescope précédent infrarouge. Parce que souvent, on dit que le télescope Webb est le successeur du Hubble. C'est vrai du point de vue, disons, thématique scientifique, successeur dans le sens où il veut aller voir plus loin. Mais comme c'est un télescope infrarouge, il faut le comparer pour ses performances au télescope infrarouge précédent, qui était le télescope Spitzer, et qui était tout petit, 80 cm au lieu de 6,50 m pour le miroir primaire. Ce qui veut dire qu'il y a un bond de géant entre Spitzer et le Webb. Et on a été tout de suite soufflé par la qualité de ce télescope. Moi, j'ai l'habitude de dire, ça marche, c'est normal, il y a eu quand même beaucoup d'études, tout a été fait pour. Mais ce qui est extraordinaire pour moi, c'est que ça marche au mieux de ce qu'on pouvait espérer. C'est mieux que les performances qui étaient demandées. Ça a commencé d'ailleurs par le lancement par la fusée Ariane. Ce lancement a été parfait, ce qui fait qu'il n'y a pas eu besoin d'utiliser du carburant pour ajuster la trajectoire. Et du coup, on reste avec du carburant et il pourrait fonctionner au lieu de 10 ans nominal, 20 ans, le Webb. Donc ça, c'est déjà une performance unique. Même chose pour la qualité image, elle est deux fois meilleure que ce qu'on pensait, la stabilité, etc. Et quand j'ai vu les premières images, alors en réalité, je les ai vues un petit peu, on a eu la chance de pouvoir les voir un petit peu avant tout le monde. Enfin, on l'a vu le dimanche et puis c'était présenté le mardi. Enfin, une image était présentée, je pense, c'est le mardi ou le lundi par le président des États-Unis d'ailleurs. Mais j'ai été aussi moi-même soufflé par la qualité de ces images, le luxe de détails qu'on pouvait voir. Parce que je zoomais et on voyait encore des détails. Donc c'est ça qui, pour moi, m'a surpris, ce luxe de détails incroyable. Par contre, ce que je veux dire aussi, bon, c'est des très belles images, Jupiter, et de tous des objets qu'on peut trouver dans l'univers, hein, des galaxies. Par contre, c'est moins médiatique, ça se voit moins bien, mais ça sera aussi une machine super pour faire ce qu'on appelle des spectres, la spectroscopie, c'est-à-dire comme un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, c'est la décomposition de la lumière blanche en ses différentes couleurs. Eh bien, le JWST va faire ça dans l'infrarouge, et on a beaucoup plus d'informations pour étudier, pour trouver la physique des objets quand on a des spectres. Donc, les images, c'est très bien, c'est très beau, c'est fantastique. Mais les spectres, c'est encore mieux. America is defined by one single word: possibilities. L'Amérique se définit par un seul mot: possibilités. And now let's take a look at the very first image. Et maintenant, regardons la toute première image de ce télescope miraculeux. 12 juillet 2022, la NASA et le président des États-Unis, Joe Biden, présentent au public la première image du JWST. Monsieur le Président, si vous teniez un grain de sable sur le bout de votre doigt, à bout de bras, c'est la partie de l'univers que vous verriez. Juste un petit point de l'univers. Et ce que vous voyez là-bas, ce sont des galaxies. Vous savez, il y a 100 ans, nous pensions qu'il n'y avait qu'une seule galaxie. Maintenant, le nombre est illimité. Et dans notre galaxie, nous avons des milliards d'étoiles et de soleils. Il y a des milliards de galaxies avec des milliards d'étoiles et de soleils. Et ça n'est qu'un premier aperçu, comme vous le disiez, Monsieur le Président. Nous regardons à plus de 13 milliards d'années en arrière. La lumière voyage à 300 000 km par seconde, et cette lumière que vous voyez sur l'un de ces petits points a voyagé depuis plus de 13 milliards d'années. Et d'ailleurs, on peut remonter encore plus loin. Nous arrivons à revenir presque au début. Alors vous voyez, si vous sortiez dehors et vous mettez la main tournée vers le ciel, une partie des particules de lumière que va capter votre main vient sur votre main après avoir voyagé pendant 13,8 milliards d'années. David Elbaz. Cette lumière, elle a été rayonnée par une surface qui est analogue à celle du Soleil. Nous sommes à l'intérieur d'une espèce d'étoile qu'on appelle l'horizon cosmologique qui a environ 3000 degrés de température. Le Soleil, c'est environ 6000 degrés, donc c'est une étoile plus froide. Et qu'est-ce que c'est que cette étoile? C'est l'état de l'univers tel qu'il était 380 000 ans après le Big Bang, lorsqu'il était un plasma à cette température-là. Alors pourquoi 380 000 ans? Pourquoi parle-t-on de cette époque? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? On a eu un Big Bang. Une expansion, on ne connaît pas la cause, on ne comprend pas très bien, une expansion de l'univers. On avait un plasma très chaud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les particules sont dotées d'une telle énergie qu'elles se cognent en permanence. La lumière est piégée, elle ne peut pas sortir de cette mélasse. Donc, vous avez un couplage entre la lumière et la matière qui ne sortent pas. C'est complètement opaque. Rien ne peut naître de ça. C'est comme si vous vouliez faire naître des glaçons dans de l'eau bouillante. C'est impossible. Il va falloir attendre que ça refroidisse, pour que ça cristallise, pour que ça donne des formes. Pour que l'univers refroidisse et cristallise, il va falloir qu'il s'étende jusqu'à un moment donné où les électrons vont être piégés. Eux, ceux qui chauffent un peu partout la matière en la cognant de tous les côtés, vont se retrouver piégés. Comment? Ils vont se retrouver piégés par les protons qui les attirent. Comment? En formant des atomes. Les atomes, c'est la condensation de la matière, la cristallisation de la matière, c'est les petits glaçons qui se forment dans un univers qui va devenir, du coup, transparent. La lumière va être libérée, va pouvoir voyager tranquillement grâce à la naissance des atomes. 380 000 ans après le Big Bang sont nés les atomes, l'univers est devenu transparent. La lumière libre de circuler n'a plus jamais rencontré d'obstacle jusqu'à arriver sur votre main que vous avez mis lorsque vous êtes sorti dehors. La lumière, passée au crible des instruments, amplifie comme jamais notre horizon avec ses nouveaux paysages fascinants et vertigineux. Et c'est aussi la force de l'imagination qui a permis le progrès de la cosmologie. Alors la cosmologie, bien sûr, c'est l'étude du cosmos, comme son nom l'indique. Marc Lachaiseret, cosmologiste à l'Université de Paris. Et ça n'a pas toujours été une étude de type scientifique. Disons que pendant longtemps, ça a été une approche qui mélangeait les mythes, la religion, le bon sens, ce qu'on peut appeler aussi les débuts des pensées scientifiques, puisque pour moi, par exemple, les Grecs de l'époque grecque ne sont pas véritablement des scientifiques dans le sens actuel, mais on voit qu'avec les pré-socratiques, par exemple, 4 siècles avant Jésus-Christ, il y a vraiment l'émergence d'une pensée rationnelle et d'une recherche pour expliquer les choses. Et on voit, par exemple, en ce qui concerne la cosmologie, l'arrivée des premiers systèmes du monde. Et finalement, donc, vers le 12e, 13e, 14e siècle, va s'établir ce fameux modèle qui mélange des apports des écrits chrétiens et de la cosmologie grecque, avec les modifications par les Arabes également, que vont contester des gens comme Nicolas Copernic, Kepler, Galilée, bien sûr, Tycho Brahe, j'en oublie, et puis il y en a beaucoup. Et tout ça va aboutir à la révolution newtonienne de la fin du XVIIe siècle, révolution qui se concrétise avec la publication du grand livre de Newton, Les principes de la philosophie naturelle, les Principia, 1687, je crois. Et ce livre, je le considère, enfin beaucoup, je pense, de physiciens et d'historiens le considèrent comme le fondement de la physique moderne, c'est-à-dire qu'on va faire de la physique maintenant un peu de la manière dont on l'a fait aujourd'hui. Il y a quelque chose qui commence à cette époque, et en même temps de l'astronomie et de la cosmologie moderne, puisque c'est une manière de raisonner qui maintenant va faire autorité, donc depuis cette époque de Newton jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, avant Newton, il y a Galilée, il y a Kepler, etc. Et Newton lui-même va répéter la fameuse phrase « Si j'ai vu si loin, c'est que je suis assis sur l'épaule de géant ». En tout cas, c'est une révolution et c'est le fondement de la physique moderne. Mais la véritable révolution de la cosmologie, c'est celle d'Einstein en 1917, puisque Einstein introduit sa théorie de la relativité générale, qui dit que finalement le cadre pour faire de la physique ne se constitue pas de l'espace et du temps, mais de quelque chose de plus compliqué à la fois de plus compliqué et de plus simple, finalement, qui s'appelle l'espace-temps. Cet espace-temps dont il avait déjà parlé en 1905 avec la relativité restreinte, mais maintenant la relativité générale, nous dit que l'espace-temps a une forme qui s'exprime par un outil mathématique qu'on appelle la courbure. De la même manière qu'une surface peut avoir une forme, l'espace-temps à quatre dimensions peut avoir une forme. Il peut avoir une forme très simple sans courbure, comme une surface plane, par exemple, n'a pas de courbure, ou bien une courbure constante, comme la surface d'une sphère, ou bien une courbure qui varie d'un point à un autre. Ça, c'est la relativité générale qui le dit, qui exprime finalement comment la matière se comporte dans cet espace-temps courbe, et d'où vient la courbure de l'espace-temps. Et très rapidement, après avoir formulé sa théorie, c'est-à-dire dès l'année 1917, Einstein se rend compte qu'elle s'applique à l'univers entier, à l'univers dans son ensemble, et qu'elle permet donc de faire la cosmologie, une cosmologie qui va être maintenant une cosmologie scientifique renouvelée et même révolutionnée, puisque finalement, le problème numéro un de la cosmologie, ça devient se poser la question, quelle est la forme de l'univers, quelle est la forme de l'espace-temps ? Puisqu'on sait que cet espace-temps peut avoir une forme. Et finalement, l'histoire de l'univers, la géographie de l'univers, ça se résume à savoir quelle est la forme de l'espace-temps. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, nous avons détecté des ondes gravitationnelles. Nous l'avons fait. Je suis extrêmement heureux de pouvoir vous le dire. Le 14 septembre 2015, les deux observatoires LIGO de Hanford dans l'État de Washington et de Livingston en Louisiane ont enregistré un signal presque au même moment, presque simultanément. Et le signal avait une caractéristique très spécifique. Ce qu'il y a d'étonnant avec ce signal, c'est qu'il correspond exactement à ce que la théorie de la relativité générale d'Einstein prédirait pour deux gros objets massifs comme des trous noirs en train de tourner et de fusionner. Il nous a fallu des mois de vérification minutieuse, de revérification, d'analyse, d'examen de chaque donnée pour nous assurer que ce que nous avons vu était bien des ondes gravitationnelles. Et nous sommes désormais convaincus que c'est le cas et nous sommes ici pour vous l'annoncer aujourd'hui. Bon, les ondes gravitationnelles, en fait, Irina Dvorkin, astrophysicienne à l'Institut d'astrophysique de Paris. J'ai pensé à une analogie, je ne sais pas si ça s'est réussi ou pas, pour peut-être tenter d'expliquer la relativité générale, qu'est-ce que ça donne. Dans la vie courante, on a des mesures de distance et des temps qui sont rigides. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on vit dans une grille rigide de distance et des temps. Donc, à chaque point de l'espace, on a des horloges qui sont tous synchronisées, donc ils montent le même temps. Et la grille, elle est rigide. Donc, si je mesure, par exemple, la taille de ce bureau, ça fait, admettons, 3 mètres, ça reste 3 mètres tout le temps. Alors que, dans le cas de la relativité générale, en fait, la grille, elle n'est pas rigide, elle est malléable. Et elle est déformée en fonction des choses qui se passent dedans. Donc, si on entre la chambre, imaginez qu'on entre la chambre, et en fait, les distances se déforment et les horloges ne sont plus synchronisées. C'est comme si on imaginait, par exemple, là, les rues de Paris, c'est aussi une grille qui n'est pas cartésienne, mais c'est une grille. Donc là, vous venez, par exemple, si on vient de Nafferrache-Rochereau, là, à l'Institut d'astrophysique de Paris, on a un certain nombre de bâtiments qu'on passe. Par exemple, j'ai un rendez-vous là à 14 heures, donc je sais que je dois passer un certain nombre de bâtiments et, pour arriver à temps. Et quelqu'un qui m'attend, il a le même. Donc l'horloge du labo montre le même temps que mon montre ici. Et je passe les bâtiments et j'arrive à donc 18 bis, boulevard Arago. Mais imaginez maintenant que vous promenez sur boulevard Arago et à cause de vous donc de la personne qui se promène, l'espace bouge, donc les distances changent et donc vous trouvez que par exemple les distances deviennent plus grandes. Et en plus, votre montre n'est plus synchronisée avec le monde de la personne qui vous attend au labo. Et les angles des rues aussi peuvent changer. Donc, en fait, ça ne correspond plus au plan que vous avez. Vous avez prévu de voyager dans certains plans. Et en fait, ça ne correspond plus à ça. Donc il faut prouver un autre schéma, donc les temps changent, les distances changent aussi. Donc d'un côté, votre présence influence les distances et les temps sur votre trajet, mais ces changements influencent vous aussi, parce que là maintenant vous passez plus de temps ou moins de temps, mais, et vous changez votre trajet en fait. Et donc la personne qui vous attend à l'Institut d'Astrophysique de Paris, elle vous regarde et elle voit que vous arrivez en retard par exemple, et elle s'est dit « Ah bien, il y avait une chose qui s'est passée en fait, et donc peut-être c'est... » il peut donc détecter ces phénomènes. Et donc ça, c'est dans le cadre de la relativité générale. Et donc évidemment, dans la vie courante, ça nous arrive pas de changer l'espace-temps parce qu'en fait, l'espace-temps est quand même assez rigide, c'est-à-dire il faut des masses énormes, des accélérations énormes pour changer ces distances et ces temps. Comme par exemple les trous noirs, les coalescences des trous noirs, les explosions des étoiles massives, ces choses-là. Et quand ça se passe, évidemment, ça se passe dans l'univers assez lointain, mais quand même, il y a un effet qui est donc détectable sur Terre. Et c'est exactement comme on le mesure. Par exemple, les interféromètres, donc les détecteurs qu'on a sur Terre, mesurent les changements relatifs, les changements des distances sur Terre, qui ont été causés par un phénomène, par une coalescence des trous noirs qui s'est passé très très loin d'ici. Alors pour pouvoir détecter ces phénomènes, ces influences à très grande distance, il faut des très grands instruments. Mais nous, on est sur une planète très petite. Alors comment on a réussi à mettre en place des instruments pour arriver à capter ces phénomènes cosmiques ? Oui, tout à fait. Donc pour le détecter, il faut en fait ce qu'on on fait là maintenant sur Terre, on a des interféromètres énormes, c'est-à-dire deux bras dans une forme de L énorme. La longueur des bras, par exemple, de l'interféromètre LIGO aux États-Unis, il y en a deux. Et chacun a des bras de longueur de 4 km. Et Virgo, en Italie, a une longueur de bras de 3 km. Et donc, on envoie de la lumière, des photons sur chaque bras. Et on a des miroirs au bout de chaque bras. Donc, les photons sont réfléchis, la lumière est réfléchie. Ils retournent au point de départ. Et on voit la différence des temps de trajet de ces deux faisceaux lumineux, qui normalement doit être, donc normalement on ne doit pas avoir de différence des temps, mais s'il y a une différence des temps, elle est minuscule, donc effectivement il faut des bras de quelques kilomètres pour les. Et maintenant, mais c'est même pas suffisant, maintenant on travaille, on a commencé de penser sur des futurs projets. Il y a un projet européen qui est proposé qui s'appelle Einstein Telescope, de la personne qui nous a fait découvrir ces phénomènes, qui doit avoir une forme triangulaire et avoir des bras aussi de quelques kilomètres. Et après, il y a un autre futur instrument aux États-Unis qui s'appelle Cosmic Explorer, qui lui aura des bras de 10 kilomètres. Mais en fait, on peut aller au-delà des dimensions de la Terre, parce qu'on peut aller dans l'espace quand même. Et donc, dans l'espace, il y a un projet qui s'appelle LISA. C'est un projet de l'ESA avec la collaboration de la NASA. Et là, on va avoir un interféromètre énorme, aussi d'une forme triangulaire, avec une longueur des bras de quelques millions de kilomètres. Mais j'aimerais vous dire autre chose. Il ne s'agit pas seulement de détecter les ondes gravitationnelles. Mais ce qui est vraiment excitant, c'est ce qui vient ensuite. Il y a 400 ans, Galilée a tourné un télescope vers le ciel et a ouvert l'ère de l'astronomie d'observation moderne. Je pense que nous faisons quelque chose d'aussi important ici aujourd'hui. Je pense que nous ouvrons une fenêtre sur l'astronomie des ondes gravitationnelles. Oui, 100 ans après la prédiction de ces phénomènes, les ondes gravitationnelles ont été découvertes. Je me souviens avoir regardé la conférence de presse de David Schumacher, le spokesperson de la collaboration LIGO. We have detected gravitational waves. C'était vraiment très émouvant. C'était quoi, l'histoire scientifique devant nos yeux. Et on avait de la chance parce que ce tout premier signal a été extrêmement fort. Et donc, c'était plus ou moins, c'était vraiment. Je dis pas facile à interpréter, mais c'est quand même, il n'y avait pas de doute. On a vu à partir de la forme du signal que c'était une fusion des deux trous noirs. Et chacun avait à peu près 30 masses solaires. Et on sait très bien pourquoi ça arrive. Quand on a deux trous noirs qui fusionnent, donc au début, ils tournent l'un autour de l'autre, tranquillement, comme en fait la Terre tourne autour du Soleil, c'est selon les lois, presque selon les lois de Kepler. Mais en fait, pas vraiment, parce que justement, ils émettent des ondes gravitationnelles, donc ils perdent de l'énergie. Et ils tombent l'un sur l'autre. Et au fur et à mesure qu'ils tombent l'un sur l'autre, l'orbite se rétrécit et donc ces processus sont accélérés. Donc ils tombent de plus en plus vite et la fréquence monte, la fréquence de l'orbite monte et il se trouve que la fréquence des ondes gravitationnelles qui sont émises est exactement deux fois la fréquence orbitale. Voilà, c'est très simple. Et donc ils tombent et donc ça veut dire que la fréquence de ces perturbations d'espace augmente jusqu'à la fusion et après la fusion, ils créent un trou noir donc plus grand. Mais nous, sur Terre, ce qu'on voit, c'est que la différence des distances, le changement des distances de ces bras d'interféromètre s'est mis à changer d'une manière périodique. Mais le changement est périodique avec une fréquence qui monte. Et donc, la façon avec laquelle ça monte, ça nous indique justement les masses de ces trous noirs qui ont fusionné quelque part dans l'univers. Donc et le signal était très, très fort. C'était spectaculaire parce qu'en fait, ces détections a eu lieu même avant le début officiel de la campagne d'observation. C'était pendant la période qui s'appelle Engineering Run. Donc, l'interféromètre était bien en marche, tout fonctionnait. Mais bon, c'était avant, disons, le début officiel parce qu'il y avait peut-être quelques petits réglages à faire. Et donc, personne n'attendait en fait... à ce qu'il y a cette découverte, c'était tellement puissant que les gens, moi je n'étais pas encore dans la collaboration, donc j'ai raté tout le travail frénétique sur l'interprétation. Et après, il a mis quand même, ils ont mis plusieurs mois pour s'assurer que c'était bien un vrai signal, parce que c'est la première fois qu'on a détecté directement des ondes gravitationnelles. Bon, maintenant on a une centaine de ces signaux, donc on est plus sur des noms, voilà. En fait, on vient d'entendre la représentation sonore des ondes gravitationnelles émises par deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre avant de fusionner. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pour ces trous noirs des masses, donc dites de masse stellaire, donc ils sont quelques dizaines des masses du Soleil, la fréquence des ondes gravitationnelles émises est justement la fréquence des ondes sonores, donc quelques dizaines jusqu'à quelques centaines de hertz. Ça, c'est une coïncidence, mais ça nous permet de créer des représentations sonores intéressantes. On vient d'entendre la représentation sonore des ondes gravitationnelles émises par deux étoiles neutrons qui tournent l'un autour de l'autre et puis ils fusionnent. Et donc on a entendu la fréquence qui monte jusqu'à la fusion. Voilà. La difficulté des cosmologistes aujourd'hui, c'est que nous avons des observations partielles. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Marc Lachaiseret. Mais c'est pas facile, même quand on a beaucoup de données, peut-être d'ailleurs qu'on en a trop, de faire un modèle cohérent, parce que les modèles, on les fait avec des théories, et les théories, on les construit avec des principes. Et Einstein a toujours expliqué que s'il avait construit la relativité générale, c'était pas à partir de données d'observation ou d'expérience, mais c'était en réfléchissant sur la nature de la gravitation et de l'espace et du temps. Et d'ailleurs, beaucoup des résultats de la théorie théorie de la relativité générale s'obtiennent quasiment sans aucun calcul, uniquement à partir de principes et de réflexions, on pourrait dire, qualitatives. Par exemple, ce qu'on appelle les délais ou les décalages temporels, certains aspects de la courbure de l'espace-temps. Il n'y a absolument pas besoin d'équations pour comprendre ces effets qualitatif et très important de la relativité générale, les trous noirs aussi d'ailleurs. Mais ensuite, évidemment, si on veut être un peu plus précis, faire des modèles, faire des prédictions, là, on a besoin des équations de la relativité générale, qui sont d'une simplicité extrême dans leur formulation, mais lorsqu'on veut les appliquer, évidemment, les calculs deviennent assez rapidement effroyables. Mais aujourd'hui, on a des ordinateurs qui nous permettent d'en faire. Et une des belles illustrations, c'est par exemple les photos de trous noirs entre guillemets, bien sûr, de l'environnement des trous noirs qui ont été publiées, puisque ces photos correspondent de manière assez précise à ce qui avait été tiré des calculs de relativité générale, faits à la main d'abord, et puis faits par simulation numérique ensuite, des calculs pourtant très compliqués. Donc c'est intéressant parce que ça valide à la fois la théorie de la relativité générale et la manière de calculer dans cette théorie, la manière de faire des modèles. Alors ça validait aussi dans ce cas-là, évidemment, l'existence des trous noirs et les idées qu'on avait sur les trous noirs, c'était très important. Les trous noirs, c'était également un aspect de la forme de l'espace-temps, parce que quand on fait de la cosmologie, on décrit la forme globale de l'espace-temps. C'est un petit peu comme si vous disiez, bon, la Terre est sphérique, ou la Terre est sphérique un peu aplatie au pôle. Vous parlez de la forme globale de la surface terrestre, vous parlez pas des montagnes, des vallées, et des trous qu'il peut y avoir, ou des bosses. Bon, bah c'est pareil, quand on fait un modèle cosmologique, on parle pas de tous les trous, toutes les bosses qu'il peut y avoir dans la géométrie de l'espace-temps. Ces trous et ces bosses, bah, c'est la présence des étoiles, des planètes, des galaxies, des trous noirs, de tout ça, qui évidemment se superpose à cette géométrie un peu lissée des modèles cosmologiques. Ça simplifie beaucoup. D'une idée générale sur la forme de l'univers, comment arriver à en tracer une carte à grande échelle? Devant leurs simulations, les cartographes modernes défrichent notre banlieue cosmique dans les pas des astronomes du passé. La cartographie, ça nous ramène à des choses très anciennes. C'est un besoin philosophique essentiel que nous avons développé depuis l'Antiquité, de savoir où nous sommes dans l'univers, d'abord sur le globe de notre planète. Puis au fil du temps, les astronomes ont voulu comprendre quels étaient les corps célestes qui nous entouraient, le système solaire, ils sont allés de plus en plus loin. On a fini par comprendre qu'on était dans une galaxie qui elle-même n'était qu'une galaxie parmi tant d'autres. Et tous ces éléments, tous ces corps célestes sont les membres d'une sorte de vaste architecture céleste qu'on appelle la toile cosmique, le Cosmic Web. Et c'est ce que nous cherchons à cartographier. Daniel Pomared, ingénieur-chercheur au commissariat à l'énergie atomique de Saclay. Donc on utilise des techniques qui nous sont propres pour constituer une cartographie de l'univers, mais pas que. Les ingrédients qu'on utilise sont en fait les vitesses des galaxies. Donc les vitesses des galaxies, ce qu'on appelle en anglais les cosmic flows ou les courants cosmiques. L'étude de ces cosmic flows, ça permet de chercher à répondre à une question fondamentale qui est celle de la vitesse de notre galaxie dans l'univers. Depuis les années 70, on sait que notre galaxie fonce dans l'univers à la vitesse de 630 km par seconde, ce qui fait 2,3 millions de kilomètres par heure. Et depuis cette époque, on cherche à expliquer de la manière la plus poussée qui soit ce qui contribue à ce mouvement. Donc ce qui contribue à ce mouvement, c'est très naturellement l'effet de la gravitation. Donc il y a quelque chose qui nous attire et on essaye de comprendre ce que c'est en essayant de construire des cartes les plus précises possibles et qui vont le plus loin possible. Donc notre planète et son système planétaire, le système solaire, donc orbite autour d'une étoile, le Soleil, qui est une étoile parmi plusieurs centaines de milliards d'autres qui constituent ce qu'on appelle la Voie lactée. Donc la Voie lactée, c'est une galaxie spirale d'environ 100 000 années-lumière de diamètre, avec des grands bras spiraux, avec 4 ou 5 bras majeurs. Et greffé sur un de ces bras, il y a ce qu'on appelle un éperon, l'éperon d'Orion. Et notre système solaire et son étoile donc appartiennent à cet éperon d'Orion, qui se trouve à environ 30 000 années-lumière du centre de la Voie lactée, où réside un trou noir supermassif central. Alors si on prend du recul, on s'aperçoit que notre galaxie, la Voie lactée, est une galaxie spirale géante entourée de galaxies naines qui sont en orbite autour d'elle. Et il y en a deux qui sont plus particulièrement connus des habitants de la Terre, qui sont les deux nuages de Magellan. Donc il y a le petit nuage de Magellan et le grand nuage de Magellan, qui comptent parmi les quatre seules galaxies visibles qu'on puisse voir à l'œil nu. Donc les nuages de Magellan, on peut les voir de l'hémisphère sud. La troisième galaxie qu'on peut voir, c'est notre propre galaxie, la Voie lactée, hein, sous sa forme d'une bande laiteuse qui a été appelée historiquement donc la Voie lactée. Alors, la quatrième galaxie que l'œil humain est capable de discerner à l'œil nu, c'est la galaxie d'Andromède. Donc c'est une galaxie qui est à peu près similaire à celle de la Voie lactée, qui se trouve à 2 millions d'années-lumière, et qu'on peut voir dans l'hémisphère nord en été. Quelque part entre la constellation d'Andromède et celle de Cassiopée. Et alors c'est assez émouvant, quand on réussit à repérer cette tache laiteuse dans le ciel, on contemple également des centaines de milliards d'étoiles, elles-mêmes entourées chacune de plusieurs planètes. Et donc c'est quelque chose d'assez vertigineux quand on réussit à observer cette galaxie d'Andromède. Alors si on continue à prendre du recul sur l'échelle des distances cosmologiques, on commence à voir apparaître ce qu'on appelle les éléments de la toile cosmique. Donc cette toile cosmique, on peut la voir comme essentiellement un réseau de filaments surdenses qui séparent les vides entre eux. Et ces filaments convergent vers des nœuds de la toile où l'on va trouver les régions les plus denses de l'univers, où typiquement vont s'agréger des amas de galaxies, et pour éventuellement former des structures encore plus grandes que l'on appelle les superamas de galaxies. Superamas de galaxies étant une notion qui est restée historiquement vague. Alors, les galaxies ne sont pas des objets isolés. On pourrait s'imaginer plein de petites voies lactées distribuées au hasard dans l'univers, et c'est absolument pas le cas. Sandrine Codis, astrophysicienne à l'Université de Paris-Saclay. En fait, toutes ces galaxies, comme la nôtre, elles forment une structure bien particulière qui est constituée de grands vides cosmiques, où il y en a très peu, qui sont entourés par ce qu'on va appeler des murs et des grands filaments de matière qui se rejoignent à ce qu'on va appeler les nœuds de la toile cosmique géante. Il faut s'imaginer un petit peu comme une toile d'araignée ou comme une mousse avec plein de bulles de savon. Et aux nœuds de cette grande structuration de l'univers, de cette grande toile cosmique, on va retrouver des endroits avec beaucoup de matière, en fait beaucoup de galaxies, ce qu'on appelle des amas de galaxies. Alors, cette structure dont on est en train de parler, ces grandes structures de l'univers, elles se situent à des échelles qui sont colossales. On parle typiquement d'échelles qui sont de quelques, alors les astronomes diraient, dizaines, centaines de mégaparsecs. Cela veut dire que ce sont des distances de l'ordre de la centaine de millions d'années-lumière, voire parfois même de milliards d'années-lumière. Donc, il faut s'imaginer que cette structure que l'on arrive à voir, les photons, pour qu'ils la traversent, ils vont mettre des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années. Donc, ce sont vraiment des structures qui ont une cohérence à très, très grande échelle dans le cosmos, qui sont sur des échelles qui sont de l'ordre de l'univers observable, finalement. Quand nous avons publié la découverte de cette structure, on a proposé qu'on avait identifié là un moyen de définir de manière précise et mathématique ce que, historiquement, la communauté désignait sous le terme de superamas. Daniel Pomared. Donc on s'est rendu compte qu'on avait découvert un superamas de galaxies et qu'on avait découvert le superamas de galaxies auquel notre galaxie appartient, notre galaxie la Voie lactée. Donc on s'est rendu compte que notre galaxie se trouvait située en fait dans la grande périphérie de ce superamas, dans une région totalement insignifiante, pas très loin de la frontière avec le superamas voisin de Persée-Poisson. Donc en périphérie d'un vide, le vide local, et que la région la dominante de ce superamas de galaxies, son cœur, c'est le grand attracteur historique qui avait été découvert dans les années 80 et qui joue un rôle très très important dans la question de la vitesse de notre galaxie à 630 km par seconde. Donc quand on a découvert cette structure, on s'est proposé de lui donner un nom. Comme cette recherche doit beaucoup à des mesures et à des investigations qui ont eu lieu ces dernières décennies à Honolulu et à Mauna Kea, dans l'archipel d'Hawaï, on s'est proposé de rendre hommage à la culture, aux traditions polynésiennes en général, qui étaient des grands navigateurs et des grands astronomes. Donc les navigateurs polynésiens, en fait, étaient capables de parcourir tout l'océan Pacifique, hein, donc dans un immense triangle qui allait des îles d'Hawaï à l'île de Pâques jusqu'à la Nouvelle-Zélande, donc un triangle de typiquement 3000 km de côté. qu'en utilisant leur connaissance du ciel étoilé d'une part et leur connaissance des courants océaniques pour se guider. Et nous utilisons les courants cosmiques pour également cartographier l'univers plutôt que l'océan. Et donc, on a consulté un professeur de linguistique de l'université d'Hawaï qui nous a proposé le terme de laniakea, qui est la contraction de deux termes hawaïens. Donc, lani qui fait référence aux cieux et akea qui veut dire immense. Donc, laniakea, c'est la contraction de ces deux termes qui veut dire le ciel immense, l'horizon céleste immense. Il y a même une notion de immesurable, en fait, qui n'est pas mesurable, mais qui ne s'applique pas vraiment ici, puisqu'on l'a mesuré. Mais il faut plutôt retenir ce terme de ciel immense. Qui est à ce moment-là, quand on l'a découvert, qui est la plus grande structure cosmique à laquelle nous appartenons, qui est notre super amas de galaxies. Au cœur des galaxies et de leurs filaments, il existe une entité qui n'apparaît pas sur les cartes, la matière noire. Une matière de nature inconnue, mais qui pourtant sculpterait la toile cosmique. Pour former ces filaments de galaxies, ces grandes structures de l'univers, on a besoin de plus de matière que celle qui est visible avec nos yeux. Sandrine Codis. Et c'est comme ça qu'on a notamment introduit la présence de ce que l'on appelle la matière noire, donc une matière qui en fait constituerait l'essentiel de la matière dans l'univers, mais que l'on ne voit pas avec nos yeux. Et c'est grâce à toute cette matière invisible qu'on arrive à former ce qu'on appelle des puits. Donc il faut s'imaginer comme un puits qui va attirer la matière, et c'est ces puits qui vont permettre la formation des structures et donc permettre la toile cosmique telle que l'on l'observe aujourd'hui. Donc en réalité, c'est la matière noire qui est donc dominante dans l'univers, qui va former ces grands puits qui vont permettre la formation de la toile cosmique, et ensuite la lumière visible qui émet donc des photons et que l'on est capable d'observer va suivre cette structuration qui a été dictée par la matière noire et former à son tour des structurations à grande échelle, donc des filaments de gaz par exemple qui vont nourrir les galaxies et les amas de galaxies. Donc, en cosmologie, il y a plusieurs très grandes questions auxquelles on a envie de répondre, notamment comprendre ce qu'on va appeler l'énergie sombre ou la matière noire. Et pour cela, on a un faisceau de preuves observationnelles que l'on essaie de sonder. Donc, l'une de ces observations, c'est celle du fond diffus cosmologique. On essaie d'observer cette première lumière émise après le Big Bang dans notre univers et qui nous donne une image de l'univers quand il était vraiment tout jeune. On a d'autres sondes potentielles, donc par exemple cartographier les galaxies sur des milliards d'années, ça nous donne des images de l'univers, mais cette fois-ci quand il était un petit peu moins jeune, donc un peu plus récente. Et c'est en comparant toutes ces différentes photographies, on pourrait dire, de l'univers, qu'on arrive à mieux comprendre comment l'univers fonctionne, quelles sont les lois qui le régissent, donc par exemple, quelle est cette fameuse énergie sombre qui provoque l'accélération de l'expansion cosmique. Il y a 380 000 ans, donc, on avait des petites fluctuations dans l'univers qui vont donner naissance aux structures d'aujourd'hui. Elles-mêmes, d'où viennent-elles ? David Elbaz. Elles viennent d'une époque, pendant ces 380 000 ans qui ont suivi le Big Bang, où l'univers était baigné dans des ondes sonores. Un peu comme une musique primordiale, comme l'imaginaient les Grecs anciens. Cette musique primordiale vient du fait que la matière et la lumière étaient combinées ensemble, couplées ensemble, oscillaient, et puis... Quand les atomes sont nés, la musique est son nez, la musique s'est arrêtée, l'univers est devenu transparent, et les notes de musique, les endroits où c'était un peu plus dense, ont cristallisé, sont restés là, et vont devenir les germes des galaxies. Puis, que s'est-il passé le lendemain de la naissance des atomes ? Eh bien, on appelle ça l'âge sombre. Une longue nuit a succédé à cette époque-là, pendant laquelle ne sont nées aucune étoile, aucune galaxie, aucune planète, aucune molécule. Il faudra attendre un certain nombre de millions d'années, qu'on estime être aux environs de 100 à 200 millions d'années, pour voir naître la première étoile. La première étoile pèse probablement 500 à 1000 fois la masse du Soleil, et elle va s'effondrer sur elle-même en un trou noir gigantesque, puis d'autres vont naître, puis des familles d'étoiles vont naître pour donner naissance à la première galaxie. Quand la première galaxie va naître, elle va donner naissance à des atomes par les explosions de supernovae qui vont donner naissance à des molécules, à des grains de poussière, et la course à la complexité va commencer. À partir de là, d'autres galaxies vont naître. Les étoiles vont se multiplier. On va assister au miracle de la vie et de la mort dans l'univers, c'est-à-dire que lorsqu'une étoile explose en supernova, L'onde de choc comprime la matière autour et engendre plein d'autres étoiles. La mort engendre la vie. Et les flambées d'étoiles vont avoir une conséquence inattendue. La lumière des étoiles va sortir des galaxies et va briser les atomes qui sont nés 380 000 ans après le Big Bang. On appelle ça la ré-ionisation, c'est-à-dire qu'on va de nouveau se retrouver avec un plasma, avec des atomes brisés. Alors est-ce que l'univers va devenir opaque ? Non. Malgré la liberté de voyager des électrons, l'univers va toujours être transparent parce qu'il a eu le temps de refroidir, de s'étendre. Et que va-t-il se passer ensuite ? Eh bien, les galaxies vont fusionner les unes avec les autres, vont recevoir cette manne cosmique sous la forme de filaments qui les nourrissent, qu'on peut appeler une sorte de fleuve cosmique, de matière intergalactique qui refroidit. Elles vont grandir, elles vont se mettre à tourner sur elles-mêmes. En tournant sur elles-mêmes, les pôles vont s'aplatir, elles vont former des disques. Et puis, dans les disques, des vagues vont se propager, des instabilités qu'on appelle des ondes spirales. Et ces ondes spirales vont produire de l'écume qu'on appelle des nuages moléculaires dans lesquels vont naître des étoiles. Et la vitalité de ces disques galactiques se mesure par la capacité de former des molécules carbonées, des molécules complexes dans ces bras. De même qu'on mesure la vitalité de l'écume des vagues dans l'océan par la couleur qui vient des micro-organismes carbonés. Et progressivement, l'univers va donner naissance à de plus en plus d'étoiles, de plus en plus de galaxies, jusqu'à ce qu'il arrive à ce qu'on appelle le midi cosmique. Pour une raison qui est encore débattue, arrive le moment de l'apogée, où on va donner naissance, l'univers va donner naissance au plus grand nombre d'étoiles par unité de temps, et puis ça va commencer à diminuer. Des étoiles, des galaxies vont devenir stériles, elles ne vont plus former d'étoiles, parce qu'elles sont dans une sorte de promiscuité où elles se croisent les unes les autres et elles accélèrent leur naissance d'étoiles et elles finissent par devenir stériles. Et les trous noirs deviennent de plus en plus gros, libèrent de l'énergie qui empêche la matière de tomber, détruisent ces filaments qui nourrissaient les galaxies et apparemment l'univers se met à vieillir. Alors les gens ont commencé à se demander mais quel sera l'avenir de l'univers ? Est-ce qu'il va finir par arrêter de former des étoiles ? Et puis on s'aperçoit que 90% de la matière est située entre les galaxies et est prête à donner naissance à de nouvelles étoiles. Et les prédictions montrent que le moment où la plupart des étoiles vont naître n'est pas encore arrivé. Il va naître une proportion d'étoiles, une quantité d'étoiles dans l'univers bien plus grande dans le futur qu'aujourd'hui. Et après ? Imaginons même qu'on épuise ces réserves de gaz, qu'est-ce qui va se passer après ? L'univers s'étend de plus en plus vite, depuis quand ? Depuis 6,5 milliards d'années. Depuis 6,5 milliards d'années, une énergie qui attendait son jour, elle était là depuis le début, mais elle a attendu le moment clé. Il y a 6,5 milliards d'années, elle a gagné. Et elle s'est mise à rendre l'expansion de plus en plus rapide. Elle a engendré ce qu'on pourrait appeler un nouveau Big Bang. Elle va écarter la matière et donc empêcher la naissance probable de nouvelles structures comme les amas de galaxies. Sauf que pour prédire l'avenir, il faudrait qu'on connaisse la nature de cette énergie-là. On ne la connaît pas. Celle qui avait provoqué le premier Big Bang, on sait ce qu'elle a fait. Elle a engendré tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas mal. Celle-ci, la nouvelle, qu'est-ce qu'elle va faire ? On ne sait pas. Alors on envoie des satellites pour cartographier l'univers, pour voir les déformations de l'espace-temps provoquées par cette énergie et la matière noire. Et on se pose la question. Aujourd'hui, ce qu'on aime par-dessus tout en astrophysique, c'est garder une question ouverte sans la refermer de façon artificielle et superficielle par une réponse toute faite. Donc, pardonnez-moi, mais l'avenir de l'univers, on ne le connaît pas. Quand j'aperçois ces bouts du monde et qu'à leur horizon rougeoie l'astre solaire disparaissant, je n'ai plus souvenir de moi. Brume. analyse combien l'écrin dans lequel est caché ton cœur est en tout point semblable au mien. Cherchant à conjurer ses peurs, quand j'aperçois ces bouts du monde et qu'à leur horizon flamboie l'astre solaire renaissant, je n'ai plus souvenir de toi. Comme si la nuit avait gardé notre amour pour qu'il ne se noie. Merci à David Elbaz, Marc Lachaiseret, Irina Dvorkin, Daniel Pomared et Sandrine Codis. Traduction, Arjuna Andrade, Pierre Ropert. Prise de son, Virginie Lorda, Yann Frécy. Mixage, Mathieu Tourin. Documentation, Annie Signoret. Documentation musicale, Antoine Vuilloz. Archivina, Anne Delaveau. Attachée d'émission, Marivonne Abolivier, Anaï Morales. Coordination, Perrine Carvran. Je plonge alors dans les plaisirs et je renouvelle l'exploit d'aller demander à la lune qu'elle me croie une dernière fois. Les cosmographes, cap vers l'horizon cosmique, un documentaire de Céline Lezenne réalisé par Marie Placet. Et qu'elle te rende tout l'amour.